La condamnation de l'homosexualité est attestée depuis plus de 2500 ans. Dans l'Ancien Testament, cette forme de rejet avait été évoquée notamment dans un passage de la Genèse qui raconte l'histoire de deux villes, Sodome et Gomorre. Les habitants y pratiquaient, selon la Bible, des perversions sexuelles contraires à la nature et à la loi divine. C'est ainsi que, bien avant le mot « bougre », le terme « sodomite » s'imposa pour dénoncer les homosexuels. À la suite du judaïsme et du christianisme, l'islam reprit également à son compte ce discours homophobe. À la fin du Moyen-Âge, lorsque le roi de France voulut imposer sa souveraineté à ceux qui la refusaient, il utilisa fréquemment ses préjugés contre les homosexuels pour légitimer la répression armée. Ce fut le cas au début du XIIIe siècle, quand les barons du royaume se lancèrent dans une croisade contre les cathares qu'ils appelaient les albigeois. Non seulement ces derniers furent dénoncés comme des hérétiques, mais ils furent également stigmatisés comme des bougres. Philippe le Bel utilisa le même genre d'argument contre les Templiers pour justifier une répression motivée par le souci de combattre à la fois leur puissance et leur richesse. Pour étayer ses accusations, il s'appuya sur des textes juridiques qui avaient été élaborés dans les décennies antérieures. Vers 1260, un traité anonyme intitulé « Livre de justice et de plaie » aborda de front la répression de l'homosexualité. « Quand on aura soupçonné un homme de bougrerie, il doit être mis en prison. Les personnes d'église doivent faire l'inquisition de la foi sur lui et demander de la foi. Et s'il est condamné, le roi le fait mettre à mort. Celui qui est sodomite prouvé doit perdre les couilles, et s'il le fait une seconde fois, il doit perdre le membre, et s'il le fait une troisième fois, il doit être brûlé. Femme qui le fait doit à chaque fois perdre un membre, et la troisième fois doit être brûlée. Et tous leurs biens sont au roi. » À partir du XVIe siècle, le renforcement des États monarchiques eut pour effet d'aggraver la répression de l'homosexualité. Le Buggery Act, adopté en Angleterre en 1533, fut la première législation civile pénalisant les homosexuels. En France, c'est en 1750 que fut appliquée la dernière sentence pour fait de sodomie. Bruno Lenoir et Jean Diot, ayant été surpris sur le fait par un sergent du guet, furent condamnés à mort et brûlés vifs. Mais c'est seulement au début de la Révolution française, en 1791, que le crime de sodomie fut officiellement aboli. Merci beaucoup Gérard Noiriel pour ce pourquoi du comment. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscane Vudès, Jeanne Delecroix et Maïwenn Guizhiou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, où vous retrouvez également le pourquoi du comment de Gérard Noiriel.